Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. La sécurité et la sauvegarde de l'environnement sont les principales raisons ayant motivé l'expulsion des habitants de Kagaragara sur la lisière de la réserve naturelle de la Rukoko. C'est le gouverneur qui l'a dit au cours d'une réunion à Buringa. C'était ce mardi. Il a reconnu néanmoins que ces personnes vivent dans des conditions déplorables nécessitant une assistance d'urgence. Et l'Office burundais des recettes envisage de payer de l'impôt sur les revenus de l'association des taxis vélos puisqu'elle fait des rentrées, même si elle s'est fait enregistrer comme une association sans but lucratif. Et l'Olucom demande au gouvernement de se saisir de cette question, surtout que les sommes demandées à ces transporteurs sont énormes. Nous parlerons également du projet de loi portant budget général de l'État exercice 2017 qui prévoit de nouvelles mesures dans le but d'accroître les ressources intérieures. Voilà pour les quelques titres. La radio de l'avenir. Bonjour, je venais de vous le dire. Le gouverneur de la province de Bubanza explique que les populations dernièrement expulsées de Kagaragara sur la lisière de la réserve naturelle de la Rukoko l'ont été par mesure de sécurité et de sauvegarde de l'environnement. C'est au cours d'une réunion de sécurité ce mardi à Buringa qu'il l'a dit, reconnaissant aussi que ces personnes qui se comptent à près de 500 ménages vivent dans de mauvaises conditions nécessitant une assistance d'urgence. Pescaritas Kavanyana, reportage. Au cours d'une réunion de sécurité tenue ce mardi à Buringa, dans la commune de Gihanga, le gouverneur de la province de Bubanza a précisé que les habitants de Kagaragara, dans la réserve naturelle de la Rukoko, ont été chassés de ce village pour deux raisons. Celle liée à la sécurité, mais aussi celle liée à la sauvegarde de la réserve elle-même. Les habitants de la sous-colline Buringa ont été repoussés de Kagaragara parce que c'était parti est entouré par la réserve naturelle de la Rukoko. Et cette population a été refoulée pour des raisons de sécurité, mais aussi des raisons environnementales. Et les raisons de sécurité, parce que nous avons trouvé que les malfaiteurs, quand ils veulent commettre des forfaits, ils utilisent sur les réserves naturelles de la Rukoko et on ne saurait pas distinguer un malfaiteur de celui qui ne l'est pas, parce qu'ils se cachent. Il s'entremêle à la population. Tarsis Niyongabo, gouverneur de Bubanza, a également indiqué que ces populations, qui se comptent autour de 2000 personnes sans abri aujourd'hui, devraient respecter la mesure prise et appeler les bienfaiteurs à leur venir en aide. Ce que nous demandons à la population aujourd'hui, c'est d'abord d'être sage et de respecter les mesures prises pour des raisons sécuritaires. Parce que la sécurité est pour nous tous, la sécurité est pour tout le monde. Autre chose que nous demandons, spécialement aux ONG, spécialement à la Croix-Rouge, c'est de venir en aide à cette population parce que nous trouvons et nous acceptons qu'elle est dans une situation désastreuse, angoissante. Spécialitas Kabanyana, Ubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes. Le directeur général de la régie des eaux tranquillise ses affiliés que l'électricité sera à leur disposition durant toute la période marquant la fin de l'année 2016. Jéroboam Nzikobanyanga indique cependant que quelques industries pourront connaître des délestages pendant quelques jours. Le directeur général de la régie des eaux l'a dit au cours de la réunion tenue ce mercredi par le premier vice-président de la République, Gaston Sindimo. Suivez le directeur général de la régie des eaux. Tuzogerageza kiretse ibi bintu bica mu nyine nk'umuyaga nk'ubuvuye muri Congo mugabo ahanagira n'ukuri nshimire leta. Nous allons essayer, malgré les coupures sur la ligne en provenance de la RDC. Cela étant, nous remercions au gouvernement qui nous a aidés en ce qui concerne les moteurs qui génèrent de l'électricité. Auparavant, on les utilisait pendant 5 heures. Maintenant, on va pouvoir les utiliser 24 heures sur 24. Ça sera une exception. Nous allons utiliser nos carburants, même s'ils coûtent énormément cher. Nous allons essayer de satisfaire nos clients pendant ces jours de fête de fin d'année. Il est à noter qu'il y aura des délestages de 2 ou 3 jours pour les usines de transformation. On doit le faire ainsi. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'association des taxis vélos n'a pas le droit de vendre des plaques et des gilets parce qu'elle a été enregistrée comme une association sans but lucratif. Tel est le point de vue de la chargée de la communication au sein de l'Office burundais des recettes OBR. Ange Daniga Kunzi indique que l'OBR va désormais suivre de près les activités de la Sotavebou pour qu'elle puisse payer les taxes et impôts comme toute association à but lucratif. On écoute. La Sotavebou, on la connaît bel et bien parce qu'elle est née chez nous. Elle est née comme une association sans but lucratif. Mais jusqu'à présent, je dois dire que comme elle était née sous l'emblème d'une association sans but lucratif, elle n'a pas déclaré. Pour nous, une association qui génère des revenus, elle est capable de payer des impôts. C'est-à-dire que si elle a des revenus, elle devait payer l'impôt sur revenu. Ou bien si son chiffre d'affaires dépasse plus de 100 millions, vous comprenez qu'elle est assujettie à la TVA. Donc, du côté de l'OBR, on ne peut pas bien situer la Sotavebou, mais nous, du moment qu'elle génère des revenus, on le considère directement comme un contribuable qui devait déclarer et payer les impôts. Et si vous trouvez à l'OBR qu'il effectue des activités génératrices de revenus qu'il n'a pas déclaré, est-ce qu'il y a des sanctions prévues pour une telle association qui ne s'est pas acquittée de son devoir? Oui, bien évidemment, il y a des sanctions parce que vous savez, la déclaration des impôts, elle est fait à des dates fixes. Le paiement des impôts aussi, comme la déclaration et le paiement, est fait à des dates fixes. C'est-à-dire que si cette association a fait des activités génératrices de revenus, qu'elle n'a pas déclaré, qu'elle n'a pas payé les impôts, vous comprendrez bien évidemment qu'il y aura des amendes que cette association peut encourir. Ange Daniga Kunzi, elle est chargée de la communication à l'Office burundais des recettes. Et l'argent demandé aux taxis vélos pour achat des gilets et plaques est énorme. Il est estimé à plus de 600 millions de francs burundais, ce qui montre qu'il y a des individus forts qui y cherchent leurs intérêts. Selon le président de l'Olucom, Gabriel Ofiri, et c'est après que ces taxis vélos aient été obligés d'acheter des plaques en moins de 2 mois après l'achat des gilets. Gabriel Ofiri demande au gouvernement burundais de prendre cette question en main. Ce qui est grave pour nous, c'est que cet argent qui est en train d'être demandé, malheureusement, est exagéré. C'est exagéré parce que après avoir fait des enquêtes et de l'évaluation, on a vu que ces 650 millions en train d'être collectés devraient être au moins de 300 millions de nos francs. C'est une somme colossale. Donc, pour nous, nous voyons que le gouvernement, même ici, l'Office, à travers certaines autorités locales, il est clair qu'il y a une main dedans, mais malheureusement, pas le gouvernement, tant que certains individus du gouvernement, parce que ces marchés, en quelque sorte, il y a des individus forts qui ont des intérêts là-dessus. C'est pour cette raison que ces taxis vélos, malheureusement, sont contraints de payer. Et malheureusement, ils payent sans qu'ils aient cette somme. Donc, pour nous, nous voyons que c'est un vol organisé et qui est là, qui est béni, parce que cette somme, il n'y a aucun montant que l'OBR reçoit, peut-être la mairie, mais c'est beaucoup plus les individus. Donc, cette question, il faut beaucoup plus chercher les individus qui sont derrière, parce qu'il y a des individus forts qui sont derrière cette action-là. Gabriel Ofiri, président de l'Olucom. Celui qui amène des marchandises qui ne sont pas éligibles à l'exonération doit payer, laisser les frais de dédouanement. Cela a été précisé par le commissaire général de l'Office burundais des recettes, OBR. C'était ce mercredi, lors d'un atelier d'échange sur les droits fiscaux à l'intention des contribuables. Bernard Senhore a en outre déclaré que l'OBR fait un suivi du jour au jour pour lutter contre ces cas de fraude. La première pénalité, c'est que celui qui amène des marchandises qui ne sont pas éligibles à l'exonération, il doit payer les droits de dédouanement. Sinon, l'Office burundais des recettes est très regardant sur ce qui doit être exonéré, ce qui ne doit pas être exonéré. Parce que nous appliquons la loi, il y a des exonérations qui sont prévues par la loi qui gère les douanes et droits communautaires africaines, ou alors les exonérations dans le cadre des missions diplomatiques, ou alors les exonérations liées au code des investissements. Donc tout ça, nous avons un manuel de procédure et qui détaille dans les moindres détails les procédures à suivre pour que tel marchand ou tel bien soit éligible aux exonérations. Donc, dès qu'il y a un bien qui n'est pas éligible à l'exonération, donc il doit payer les droits de douane, c'est tout à fait normal. La tricherie, bon, nous faisons un monitoring tous les jours, hein, mais de notre point de vue, nous pensons que la fraude a diminué, parce que moi je considère ces tricheurs comme des fraudeurs. Donc, nous pensons que la fraude a diminué. Nous mobilisons tous les moyens pour juguler autant que faire s'opérer la fraude, et nous pensons que nous avons les moyens pour décourager ce genre de cas. Mais concernant en fait les exonérations, effectivement, nous avions constaté dans le passé les gens qui détournaient les exonérations population qui utilisait les biens exonérés à des projets autres que ceux qui étaient présentés à la demande des exonérations. Ces cas-là, nous avons effectivement suivi, nous avons fait un travail d'évaluation et nous avons sorti un rapport. Nous sommes en train de travailler jusqu'à maintenant. Mais ce que nous avons décidé maintenant, c'est de faire un suivi de près. Plutôt que d'attendre qu'un projet se termine, alors qu'un projet s'arrête, nous avons décidé donc de faire un suivi au jour au jour, peut-être des descentes mensuelles, pour voir effectivement l'état d'avancement des projets pour lesquels les exonérations ont été accordées. Et c'est comme ça que dès que nous constatons un dérapage, nous pouvons corriger à temps et ainsi limiter les casses. C'était Léonard Senhoré, commissaire général de l'Office Bourgogne des recettes et non Bernard, comme je le disais tout à l'heure. On poursuit avec l'économie, avec le projet de loi portant budget général de l'État, exercice 2007, qui prévoit de nouvelles mesures dans le but d'accroître les ressources intérieures. Avec ces mesures, l'État prévoit des rentrées, encaisser plus de 37 milliards de francs burundais. Et ces ressources proviendront essentiellement de la taxe spécifique de téléphonie mobile, de l'impôt locatif, de la taxe de consommation sur le carburant et de la taxe spécifique sur le sucre. Je suis avec Mireille Kanyangé dans ce studio qui nous a lu ce projet de loi. Mireille. Oui, Jean Bosco, ce projet de loi portant budget général de l'État exercice 2017 prévoit une série de nouvelles mesures. Une taxe anti-pollution sur les véhicules usagés de plus de 10 ans est prévue à hauteur de 200 millions de francs burundais et une surtaxe de 50% de la valeur en douane sur les sachets plastiques importés est également consignée dans le tableau pour 100 millions de francs burundais dans le but de protéger l'environnement. Une somme de 150 millions de francs burundais proviendra de la surtaxe de 30% sur le lait liquide importé. Le prélèvement forfaitaire libératoire pour les agences en douane donnera 400 millions de francs burundais. Est également consigné dans ce tableau de nouvelles mesures le rapatriement de l'impôt locatif dans la fiscalité de l'État à hauteur d'un milliard de francs burundais. Une autre taxe, c'est celle spécifique aux téléphonies mobiles sur le trafic national qui passera de 42 francs par minute à 52 francs par minute et les recettes irrelatives sont estimées à 16 milliards de francs burundais et la taxe sur consommation carburant fera entrer 13 milliards de francs bourg, une taxe qui sera prélevée au moment de la mise en consommation à raison de 100 francs bourg par litre. Ce projet Jean Bosco portant budget général de l'État exercice 2017 prévoit également une augmentation de la taxe spécifique sur le sucre de 200 francs burundais pour un montant de plus de 4 milliards de francs burundais. L'augmentation, c'est également celle des taxes de consommation sur les bières et fera entrer dans le trésor public 1 milliard de francs burundais. La suppression des exclusions est également prévue dans le secteur des assurances avec diminution du taux qui passe de 2% plutôt à 1,5%. Ce nouveau projet de loi prévoit en outre la réintroduction de la taxe à l'exportation des peaux brutes sera à hauteur de 140 millions de francs burundais. Je vous dirai, Jean Bosco, que ce projet de l'État portant budget exercice 2017 sera financé à hauteur de 70% à 0,7 sur les ressources intérieures et 29,3% sur les ressources provenant de l'extérieur. Merci Mireille Kanyangé en direct dans son studio. Il est 13h10 à Bujumbura et sur Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. On parle de sécurité. Une femme a été tuée et son mari blessé dans un attentat à la grenade perpétré contre eux à 22h de la nuit de ce mardi à mercredi quand ils étaient à l'entrée de leur maison à la sous-colline Rurenga, colline Egakongo, en commune Butaganzwa. Là, nous sommes dans la province de Ruyigi. Les sources sur place disent que les auteurs du forfait n'ont pas été identifiés puisqu'ils se sont volatilisés dans la nature. L'administrateur de cette commune pense que le crime serait lié au conflit foncier et demande à la population de toujours saisir les instances judiciaires en cas de litige au lieu de se faire justice. La sécurité est bonne dans la ville de Bujumbura et même dans tout le pays malgré l'existence de certains groupes qui commettent des attentats et d'autres crimes. crime. Cela a été dit lors de la réunion de sécurité convoquée par le premier vice-président de la République qui a exhorté les forces de sécurité publique et de la défense nationale ainsi que la population à être vigilants durant ces jours marquant la fin de l'année. Il a aussi demandé que le réseau des individus qui arrêtent des gens au nom de la police et du service national de renseignement soit démantelé. Suivez Gaston Sindimo, le premier vice-président de la République. Hari kindi nashaka kutuvugana gatoyi nuko maze imisi tumva yuko hariho abantu bafatwa. Je voudrais aussi qu'on parle de ceci. Ces jours-ci, on entend des individus qui font ce qu'on appelle dog service. Ces individus se pointent sur des barrières, sur les entrées des villes, disant qu'ils sont de la police ou de la documentation, alors que ce n'est pas vrai, et ils rançonnent des gens. Nous demandons les forces de sécurité d'arrêter ces individus. À côté du dog service, il y a aussi ce qu'on appelle anticorruption. Il y a des individus qui se font passer pour des policiers et faire le travail de la police plus que la police elle-même. Cela doit être combattu. Vous connaissez la police, personne d'autre n'a le droit d'arrêter qui que ce soit, de le faire sortir de son véhicule, à part la police. Il faut s'entendre sur cela. Autre chose que je voudrais communiquer, c'est que ces jours-ci, il y a beaucoup de rumeurs. Il faut faire attention pour ne pas se faire emballer. Il peut arriver qu'un individu porte des fausses accusations sur quelqu'un. Je peux vous donner un exemple. Sur la place dans l'ancien marché central de Bujumbura, il peut arriver qu'un groupe de gens qui sont en train de discuter, quelqu'un arrive et leur intime en ordre de s'arrêter pour prétexte qu'ils sont en train d'insulter Mkapa. Ainsi, il les amène à des faux policiers, juste des gens qui veulent ternir l'image de la police. Car ces jours-ci, il y a des gens qui utilisent beaucoup de ruses pour discréditer la police et c'est pour cela que la police doit être vigilante. C'était le premier vice-président de la République, Gaston Sindimo, traduit par Didier Niyonzima. On termine ce journal par la culture, en parlant musique. Seul l'Office burundais du droit d'auteur, OBDA, a la prérogative de protéger les œuvres des musiciens et autres artistes. Dans une lettre du ministre de la Culture, celui-ci rappelle que ce privilège ne peut pas revenir à une organisation privée comme l'Amicale des musiciens. Le directeur de l'OBDA appelle plutôt les artistes à faire enregistrer leurs œuvres à cet office pour qu'elles soient protégées. Déclaration faite après que l'Association amicale des musiciens du Burundi ait demandé l'autorisation de donner son aval aux musiques qui doivent être diffusées dans les radios et télévisions. Suivez Gordien Uchumi. Toutes les actions visant la promotion, la sauvegarde et la protection de la culture en général relèvent du ministère et la culture dans ses attributions. Donc, j'aimerais dire aussi que cette prérogative de censure ne peut pas être confiée à une association purement privée. D'abord, la conception moderne de la censure est contre la créativité parce qu'on ne peut pas imposer une inspiration à un artiste. Donc, la censure se fait de toute manière. D'abord, au niveau de CNC, je peux vous donner même un exemple. Les œuvres cinématographiques, avant d'être diffusées, doivent passer nécessairement au CNC pour voir si ça ne transgresse pas les normes sociales, les valeurs culturelles. Et puis, au niveau de l'OBDA, au niveau du CNC, vous pouvez même consulter l'article 9 mettant en place cette institution. Et puis, au niveau de l'OBDA, donc, toutes les œuvres créées par les artistes devraient d'abord passer à l'OBDA pour enregistrement, d'abord, comme si un parent met au monde un enfant, il doit aller l'enregistrer à l'état civil pour qu'il soit légalement connu. Donc, l'OBDA la protège moralement, mais aussi patrimonialement, ce qu'on appelle les droits patrimoniaux. Alors, les œuvres qui ne répondent pas aux normes sociales, aux valeurs culturelles, donc l'OBDA ne peut en aucun cas les recevoir. Ça, c'est une autre sorte de censure. Et puis, la censure aussi se fait au niveau d'un organe de presse. Vous, par exemple, si vous avez une radio, vous ne pouvez pas diffuser des œuvres qui sont de nature à saper les efforts du gouvernement. Donc, ce n'est pas une association purement privée. L'Amicale des musiciens n'a pas ce mandat légal, ni de réguler, ni de donner aval aux œuvres artistiques pour être diffusées. Voilà, c'était Gordien Buchumi, c'est le directeur de l'Office burundais du droit d'auteur, OBDA. Il est 13h16 à Bujumbura, ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. À la technique, c'est Toussaint Mitebouti au micro, Jean Bosco Douiman. Un bon après-midi.